Léo Reynaud et Enzo Guéné. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Benjamin Habitant. France Inter, Autant en emporte l'histoire. Dans quelques instants, on retrouve Sophie Chauveau pour parler de Botticelli. 8h du matin, le jour lointain. La rumeur des transports en commun. La journée sur le départ quotidien. Le métro et ses couloirs de hall de gare. Il est sûrement minuit quelque part. Loin d'ici, c'est encore le soir. Sous la lumière des néons, le nom des bars. Nos voix commençant l'histoire par la fin. La traînée de nos parfums sur les trottoirs. Il est sûrement minuit quelque part. De la nuit noire, on balaye les canettes, vide les rires de la fête. Plus aucune trace de la nuit noire, descendant ma rue comme d'une autre planète. Les premiers rideaux de fer se relèvent. Oiseaux se désaltèrent aussi tard. La ville n'a aucun horaire qui nous concerne. Quand viennent les 8h, 8h et quart, il est encore minuit quelque part. Brûlant sur les boulevards, ces flèches qu'on décoche dans. Mélodie Loret, minuit quelque part sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, à la technique Juliette Delperroux. Sophie Chauveau, je le rappelle, vous êtes écrivain, l'auteur d'un roman sur Botticelli, un peintre donc que vous connaissez bien. Alors cet épisode de sa vie que je viens de raconter est très troublant. On découvre ce qu'un artiste, même immense comme Botticelli, peut avoir à subir quand il est confronté à un pouvoir religieux, théocratique. Est-ce que vous savez s'il y a vraiment des œuvres de Botticelli qui ont été au feu dans un bûcher? Il est certain qu'il y a des œuvres de Botticelli et de plein d'autres artistes de l'époque, et même d'avant, qui ont été jetés. C'est-à-dire tout ce qui relevait du loisir, de l'oisiveté, du plaisir, a été sévèrement mis au bûcher. C'était légitime dans la logique savonarolesque, mais je pense que Botticelli, qui n'était pas un affité de Savonarole, au contraire, qui avait plutôt tendance à trouver ça un peu grotesque, était quand même, comme tous les Florentins, un peu sous l'anxiété qu'il faisait régner avec ses prêches, qui étaient fabuleux, qui devaient être d'un haut niveau qu'on n'a pas idée aujourd'hui, à la fois